Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. On connaît la formule « Comment gouverner un pays où il existe près de 300 variétés de fromages ?» formule attribuée au général de Gaulle. Plus difficile encore, comment choisir un fromage et un seul en Corse, alors que les fromages sont aussi nombreux qu'il y a de petits villages dans l'île. Et aussi, fromage de chèvre, fromage de brebis. Les chèvres, nourries selon les saisons et leur bon plaisir, au maïs, à la luzerne, au gland, aux châtaignes, à la bruyère, aux ronces et à l'herbe. Bien sûr, les herbes du maquis. Un Corse qui n'a pas d'origine pastorale n'est pas un vrai Corse, prévient l'un des intervenants de l'émission « De bouche à oreille » diffusée pour la première fois sur France Culture le 9 janvier 2005. Dis-moi, quand est-ce qu'on mange ? De bouche à oreille. Saveur, savoir, savoir-faire. Allez, à table ! À table, on mange ! Allez, à table ! Aujourd'hui, chèvre, brebis, brochu, berger, bergère. Ici, on commence à 5h du matin. Des fois, il est 11h du soir, on est toujours dans la colline à récupérer les chèvres. Donc, c'est une passion, c'est pas autre chose. Parce que si vous faites le compte, nous, les 35 heures, on les a fait en 2 jours. Hein. Si vous faites le compte de ce que vous passez derrière, après les chèvres, des fois les chèvres ont été tranquilles dans la journée. Alors, c'est les vaches, vous entendez klaxonner le train en bas, ils sont sur la voie ferrée. Il faut vraiment avoir la patience, sinon celui qui n'a pas de patience, il vend tout et s'en va de suite. Avant, comment ils faisaient les champs? Quand ils étaient ici pendant... Et puis après, il y avait les vignes, les jardins. Qu'est-ce qu'ils allaient faire, les pauvres? C'est pour ça qu'après la guerre, tout le monde est parti. Ce qu'on appelle folklore est d'abord une pensée. Une forte pensée qui n'a pris la figure vieillotte et désarticulée que parce qu'elle a été réprimée, lacérée, mise en morceaux. Après quoi, on a ramassé ces morceaux comme les miettes de pain rassis et on a cru que ces miettes ne pouvaient intéresser que les brocanteurs. Max Caisson, ethnologue, l'auteur de ces lignes, a beaucoup écrit sur le sens des traditions corses. Cette figure vieillotte et désarticulée dont il parle, c'est celle des stéréotypes, des clichés sur la Corse et aussi sur plusieurs îles de Méditerranée. Ainsi, du brochu. Ce fromage fait de petits laits, le cerou, est versé dans des moules, les casacchi. Cette préparation, on la goûte non seulement dans sa réalité, mais aussi dans la musique de la langue corse, des légendes et des savoir-faire des bergers qu'ils se nomment éleveurs ou pasteurs. Berger ou bergère. Max Caisson avance des hypothèses sur la naissance et la fabrication du brochu. Ce serait une production féminine, une création de l'intelligent travail féminin. On s'interroge. Dans son livre, on retrouvera la légende de la Sibylle, cette prêtresse devineresse qui, selon Virgile, guida Énée dans sa descente aux enfers. Au sommaire de bouche à oreille, juste un mot, présure. Reportage en Haute-Corse, près de Corté, dans la fromagerie avec Ida et Cosima Panciolelli, le frère et la mère de Cosima, à Tralunca avec Jules Martinetti, éleveur, et à Corté avec Max Caisson, ethnologue et maître de conférence à l'Université de Provence. Comment le goûtez-vous, le brochu? Micro-ondes. Juste un mot. Présure. Présure. La présure, arrête tout, est obtenue à partir des estomacs de cabris ou d'agneaux de lait. Avant de les tuer, on les fait téter pour obtenir une bonne caillette. Celle-ci est mise à sécher puis réduite en poudre. Diluée dans de l'eau ou du lait, La caillette constitue la présure de l'année. Autrefois, on la conservait dans une peau de porc cousue, accrochée au-dessus de la porte de la fromagerie. Almanach de la Corse. Ça, c'est les agnelles de reproduction. C'est les agnelles qui vont mettre bas au mois de janvier, celles-là. Mais vous voyez, elles sont en dehors du troupeau. Et puis après, il y a un autre troupeau. Je ne sais pas si là vous en a parlé. C'est des agnelles qu'on vient d'enlever maintenant, qu'on vient d'enlever de la maman, qui ont 45 jours, qui vont servir pour l'année prochaine, pour renouveler encore le troupeau. Tous les ans, on élève un certain pourcentage d'agnelles pour renouveler le troupeau. Elle vous a fait goûter le brot, Hilda ? Elle est en train de le faire ? Ce matin, en principe, on ne caille pas. On a caillé pour vous montrer comment on fait le brot. Et puis vous allez goûter le brot chaud. Voilà, c'est bon. Le brot chaud. J'ai du mal à me suivre à moi. Hein. Ah, bah, je vous le dis, hein, je suis. Ça ne m'étonne pas. Hein. Sur des chemins escarpés et trempés en Haute-Corse, près de la fromagerie familiale des Panciolelli, au-dessus du torrent. Cosima. Hilda, je suis là. Je vous emmène aux agnelles. Dites-moi, qu'est-ce qu'elles mangent, les brebis ? Alors, les brebis, elles mangent de la luzerne, elles mangent du maïs, elles mangent du foin. On leur donne de l'orge à packager. Alors, quand on leur donne l'orge à packager, on leur donne du foin. Quand elles n'ont pas d'orge à packager, on leur donne du maïs, du maïs tout le temps, et de la luzerne pour produire le lait. Il y a quand même des herbes aromatiques qu'elles broutent, oui, elles broutent ça. Oui, par exemple, ça le broute, ça. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est du ciste. Ça, elles prennent le goût de ça, vous voyez ? Elles prennent le bout du ciste. Hein. Qui sent un peu. Oui, qui sent un peu. Oui. Et puis ici, c'est la région, on appelle Pigourelle, parce que Pigourelle, c'est brebis. La brebis, c'est Abégouré, là. Voilà. Vous auriez dû rester voir la fabrication du brot. Parce que ce qu'il y a de bien dans le brot, parce que quand il arrive à 80 degrés, il se retourne seul. Ah, c'est bien, c'est ça qu'ils vont voir. Oui, ils se retournent. Et quand ils se retournent, c'est là qu'on le cueille. Dans la bergerie, près de la maison, chaleur et piétinement des agnelles. Voilà. Elles sont agitées et affairées, les jeunes brebis. Ça y est, j'en ai raconté. Voilà, ça, c'est les. Oui, quand elles sont petites, celles-là. Ah, tu vas rentrer ? Non, je vais rentrer. Pardon. Je vais rentrer. Mon frère, vous le connaissez, vous l'avez vu ? Oui. Ah, d'accord. Voilà. Ça, c'est les agnelles qu'on a enlevées de leur maman. Voilà. Là, elles sont sélectionnées. Hein, oui. Parce que nous, on fait la... comment ça s'appelle ? On fait l'IA, on fait l'insémination artificielle. Donc, alors, comme on connaît c'est les béliers, on choisit les plus belles mères, celles qui donnent le plus de lait. Et on prend des béliers d'un centre sélectionné et on les insémine. Et là, on choisit les plus belles, voilà. Parce que notre projet à nous, c'est de diminuer le cheptel, y avoir un cheptel mais assez réduit, mais avec une grosse rentabilité. C'est pas maintenant les gros troupeaux, c'est fini les gros troupeaux. Donc c'est pas à peine d'avoir de. Bon là, on en a 200 brebis, mais je crois qu'on va arriver à 150, on va se stabiliser à 150 brebis. 150 brebis, c'est tout. C'est particulier comme élevage, la brebis ? Ah oui, c'est particulier, comme tous les élevages. Hein. Oui, par rapport à la chèvre. La chèvre, c'est plus... La chèvre, elle survit plus. Tandis que la brebis, elle ne connaît que la nourriture. La chèvre, vous la lâchez dans la nature, elle se nourrit différemment. Tandis que la chèvre est plus délicate que la brebis. Hein. La chèvre ne mangera pas par terre, elle mange toujours le bout des arbres. La tonte. À la fin, on s'attable sur place, autour des planches posées sur des tréteaux. Les dents se mettent à crisser comme les ciseaux tout à l'heure. D'abord les pâtes assaisonnées de jus de viande et de fromage, puis le ragoût et les quartiers de mouton rôti, enfin le lait caillé et les tourtes au brocio, cuites sur une pierre plate et mince, chauffées en dessous. Et pendant que les tondeurs faisaient joyeusement ripaille, les brebis non loin continuaient à bêler, ne pouvant se consoler d'avoir été dévêtues. Lorenzi Dobradi, 1928. Si l'attente des moutons est un temps fort et heureux de la vie pastorale, les contraintes de l'éleveur sont considérables, explique Jules Perinetti à Tralonca. Je suis éleveur. Il y en a qui disent berger, mais nous, chez nous, c'est plutôt éleveur que berger. En Corse, ce n'est pasteur. Pasteur. Pasteur, oui. De chèvres, vaches, et on est un peu tout. Et nous, on a un élevage qui ne ressemble à en Méditerranée, il n'y a que nous. Si vous prenez les bergers sur le continent, les éleveurs de chèvres, de vaches, ils ne travaillent pas comme nous. Les bêtes, elles sont sur 5 ou 6 mois enfermées. Les nôtres ne sont jamais enfermées. La nôtre, la chèvre, elle veut la liberté. Elles sont enfermées, enfin, elles sont dans la bergerie quand il pleut, qu'il fait mauvais temps. Sinon, s'il neige, elles vont dehors. Hein. Il n'y a aucun problème. Donc, c'est un métier qui est très dur. On est seul, il y a beaucoup de contraintes, les bêtes, ils s'accourent d'un côté et de l'autre, parce qu'elles ont la liberté, mais elles nous font courir. Encore maintenant, il y a moins de jardins, moins de vignes, donc on est un peu plus tranquille. Mais sinon, c'est un métier qui est vraiment dur. Les vaches, par contre, elles ne sont jamais fermées. Elles sont tout le temps en liberté, qu'elles fassent le veau, qu'elles n'aient pas, qu'elles vadrouillent. On les ramène que de temps en temps, ou s'il neige, elles arrivent, on les donne un peu de foin, mais c'est tout. Les chèvres, elles se nourrissent selon les saisons de ce qu'elles trouvent. Est-ce que vous savez, vous connaissez les noms des plantes dont elles se nourrissent? Bien sûr. La chèvre, l'hiver. Hein. Bon, l'hiver, à cette époque-là, elle se nourrit. On la nourrit un peu en bergerie parce qu'on lui donne du maïs, de la luzerne en botte. Après, elles se nourrissent de glands. Il y a des glands, il y a des châtaignes. Elles utilisent le chêne, la bruyère et des ronces l'hiver. Après, au printemps, il y a de l'herbe qui pousse, il y a toutes autres sortes de plantes. C'est des herbes qui poussent ici dans le maquis, je ne sais pas le nom. Après, elles utilisent le chèvrefeuille, toutes ces plantes-là, comment on appelle, des lentisques. La chèvre mange l'asphodèle, elle mange le buisson du chêne qui est tendre, elles aiment ça. Toutes les nouvelles pousses du châtaignier, ceux qui poussent au pied du châtaignier, vous voyez. Du frêne, elles utilisent les pousses du hêtre. Et à l'automne, elles utilisent le hêtre, fait une espèce un gland, je dirais, de la faine, et raffolent de ça les chèvres. L'enclos destiné à enfermer les bêtes pour la traite n'est pas le même pour les chèvres que pour les brebis. Dans le premier cas, Ucapradju, le chevrier, a construit une mandria ou pressa, enceinte ronde, permettant à ses bêtes de circuler librement. Répondant au nom que le chevrier leur a donné, elles viennent une à une se faire traire. L'instinct grégaire des brebis oblige les bergers à construire un enclos plus allongé, de manière à se placer au milieu, pour séparer les brebis traites de celles qui ne le sont pas encore. Almanach de la Corse. À part justement les faire paître, les amener paître, les suivre, les surveiller, qu'est-ce qui est important à faire pour elles? À ce moment, avant, oui, il fallait les suivre. On les amenait paître d'un côté et de l'autre parce qu'il y avait d'autres bergers, il y avait des jardins, il y avait des vignes, donc on ne pouvait pas aller où on voulait. À ce moment-là, ça n'existe plus, ça. Là, on ouvre la porte et les chèvres partent. C'est ce qu'on appelle l'élevage extensif. Elles vont où elles veulent. C'est elles qui décident. Avant, c'était nous qui on gérait le territoire. Bon, aujourd'hui, on va ici. Demain, dans quelques jours, on changeait. Pour qu'il y ait toujours un peu de... Parce que si elles vont tous les jours au même endroit, après, entre ce qu'elles mangent et ce qu'elles piétinent, il n'y a plus rien. Et elles y vont pas volontiers. Donc, il fallait tourner un peu. Mais là, comme maintenant, il n'y a plus de bergers. Avant, sur une commune, il y avait peut-être 5 ou 6 troupeaux de chèvres. Donc chacun, on était un peu à l'étroit. Vous l'avez été, vous, berger, à ce moment-là? Oui, quand il y avait d'autres troupeaux, oui. Et qu'est-ce qui fait le berger pendant en surveillant ces chèvres? Il y en a qui faisaient des... Bon, maintenant, ça ne se fait plus. Ils travaillaient le bois. Ils faisaient des cuillères, des couteaux avec des morceaux de bois. Avant, on faisait les faisselles où on s'en sert pour faire le fromage ou le brioche avec des joncs. Donc, il fallait récolter le jonc à la bonne saison, à la pleine lune. Il fallait descendre à la plaine dans les étangs, l'arracher un par un. Celui qui cassait, on pouvait le laisser, il n'était pas bon. Après, il faut le faire bouillir au moins 2 heures. Et puis le berger, le matin, il partait avec un petit fagot de jonc et dans la journée, il avait fait la faisselle. Ou des fois, il a fait installer des clôtures s'il avait le temps. Puis il y avait des jours, il n'avait rien fait parce qu'il fallait courir derrière les bêtes. Il n'avait même pas eu le temps de manger, vous voyez. Et alors, vous étiez berger quand vous étiez enfant, peut-être, non? C'est-à-dire que dans ma famille, oui, mes oncles, ils étaient bergers. Non, mes parents ne voulaient pas. Mon père avait fait l'armée, donc... Et puis eux, ils avaient connu ça. Donc, ils ne voulaient pas que je fasse le berger parce que ce n'est pas un métier qui... Mais quand on est jeune, qu'on a rien dans la tête, et qu'on pense, je ne rêvais qu'aux chèvres. Vous rigolez, vous, mais c'était comme ça. Bon, maintenant, je ne rêve plus de chèvres la nuit. Non. Justement, en parlant de rêver, je me suis souvent demandé à quoi rêvent les bergers. Ils rêvent, ils gambergent dans leur tête. Je ne sais pas, moi, on doit avoir le temps un peu de rêver. Ils rêvent, mais qu'ils font autre chose. Ils ne rêvent pas qu'ils font les bergers. Hein. Non. Je pense qu'il n'y en a aucun qui rêve qu'il fait le berger. Je déjeune d'un broccio parfumé. C'est à coup sûr le mets le plus délicat de la cuisine corse. Ce fromage au lait de chèvre cuit dans les bergeries et dont la consistance est celle d'une gelée épaisse. Le goût ne rappelle en rien celui des fromages du continent. C'est une crème ferme, au parfum exquis. On la trouve sur toutes les tables en Corse. Les propriétaires des grands domaines imposent à leurs bergers l'envoi régulier de broccio, sans lesquels il ne saurait être de bons repas. On les parfume parfois de kirsch ou de liqueur. C'est un véritable crime. Ardoin Dumazet, 1911. Dans la famille Pancholelli, on fabrique plusieurs fromages, des tomes un peu salées et extrêmement goûteuses à différents degrés d'affinage, et puis le broccio. Le broccio, le meilleur, c'est fait avec le petit lait de brebis et le lait de chèvre. C'est le meilleur. Et le mieux, c'est quand il est fait au feu de bois, pas au gaz. Oui, quand il arrive. C'est en train de ruiner tout. Vous avez pu en manger de salaire comme ça. Le produit comme ça, c'est fini. Les chambres d'affinage, c'est fini. Avant la montagne, il est monté dans les cagiles qu'on appelle avant la montagne. Il restait un an le fromage. Il n'y avait aucun problème, jamais personne n'est mort. Hein. Et maintenant, ils font tout leur truc, et ça c'est l'Europe. Vous dites les cagiles, hein? Les cagiles, c'est là où on abritait le fromage dans la montagne. C'était des trucs en pierre recouverts de terre, ça conservait le fromage. Et vous dites que c'était fait avec du feu de bois? Le feu de bois. Vous en avez vu faire, vous ? Eh oui, bien sûr, j'en ai vu faire. Mes oncles étaient bergers. La salle de fabrication. Aujourd'hui, c'est Ida qui fabrique. Sur la table, elle met en forme les tomes à Manu Pressus à la main. Ensuite, elle s'occupe du futur broccio et penchée au-dessus de l'immense marmite, elle plonge délicatement la spatule dans le lait caillé. Bon, là, je vais casser mon fromage parce qu'il va... Alors, le casser, ça veut dire... Pour casser, hein, c'est il ça. Il faut vraiment le casser. À la fin, c'est des grains de riz. Quand on aura fini de casser, ce sont des grains de riz. Là, pour obtenir ça, on chauffe le lait à 28 degrés. Après, on ajoute de la présure. Et on laisse une heure tout le temps de caillage. Bon, là, il a pris un peu plus. Combien de temps vous mettez pour casser? Oh, c'est vite fait. Il faut attendre que le petit lait monte. Parce qu'à partir du petit lait, on fait le broccio. Alors là, maintenant, vous prenez un fouet. Eh oui, pour le casser tout de même. Ouais. Il faut pas mal de force physique. Oui. Délicatesse. C'est sa force et délicatesse. Voilà. La mère de Cosima nous explique que dans sa famille, on est tous bergers et fromagers, sauf elle, que le métier n'attire pas du tout. Tout le monde était berger, mes frères étaient bergers. Et moi, je ne m'en suis jamais occupée parce que j'étais fille unique. Donc, ils ne voulaient pas que je m'approche de là où on faisait le fromage. Puis mon père donnait beaucoup à Roquefort. Mon père, c'était un gros berger. Il donnait à Roquefort? Oui. Pourquoi? Parce que ça servait à fabriquer le Roquefort? Ah oui, c'est sûr. Hein. Ouais. Et c'est en Corse qui s'est installé le Roquefort. Il a fait fortune en Corse. Les bergers aussi, je vous dirais, ils ont fait fortune. Parce qu'avant, quand il n'y avait pas le Roquefort, les bergers n'étaient pas... Aussi bien que quand le Roquefort est arrivé, qu'il a commencé à acheter le lait. Alors là, les bergers se sont mis un peu à jour, comme on dit. Et mais est-ce qu'il y avait une transhumance? Ah oui, oui, oui. Au mois de juin, ils transhumaient à la montagne. Ils faisaient ça. Maintenant, ils ne le font presque plus, les bergers ne montent. Et dans les terres, c'est ça. Hein. Bah, par exemple, ici, comment ça se passait? Ben là, au mois de juin, parce que le Roquefort fermait, au mois de juin, ils montaient à la montagne. Mais même avant qu'il y ait eu le Roquefort, tous les bergers montaient à la montagne, dans des temps. Hein. Oui. Dans la nuit des temps, ils montaient tous à la montagne. Et ici, on est déjà un peu dans la montagne. Non, mais il fallait qu'ils remontent plus haut. Outre le broccio qui se fait dans toute la Corse, les fromages sont aussi nombreux qu'il y a de petits pays dans l'île. Parmi les plus connus, il faut citer les fromages de Calenzana, du Gnolo et de Venaco, la pâte molle. Ceux du Sartenay réputés sont à pâte pressée. Est-ce légendaire ou historique? L'anecdote est pourtant belle. Petrus Cirneus raconte qu'à Bonifacio, les habitants étant assiégés et menacés de famine, les femmes nourrirent les hommes de leur lait et même firent du fromage. Caseus recens ex mulierum lacte coagulatus. Almanach de la Corse. Casser, verser, cuire, écumer, décoller. La marmite du broccio est sur le feu. La consistance du lait se modifie, se densifie. Ida. On écume pour enlever tous les grumeaux de... Tous les restes de fromage qu'il peut y avoir. Sinon, après, quand vous mangez le broccio, vous les... Qu'est-ce que c'est, ces instruments que vous avez là? Il y a un thermomètre. Et la cuillère pour remuer. À 50 degrés, je rajoute le lait. Qui va nous donner le bon petit broccio. Remuer tous les temps pour pas que ça s'accroche. Pour remuer, hein, sans arrêt. Sans arrêt pour pas que ça s'accroche, donc ça brûle. Ça donne le goût de brûler au broccio. Maintenant, les bords de la masse lactée se décollent. Cette masse va se retourner sur elle-même avec des effluves acidulés. C'est ce qu'on appelle le miracle du broccio. Ida. Vous voyez un broccio quand il est fait à la couleur du petit lait. Le vert. Oui. Translucide. Oui. Là, il est fait. Donc là, allez, vous voyez. Alors, quand il se fait, c'est le moment où il se décolle des parois. Où il est cuit. Voilà. Oui. Se décolle et se retourne sur lui-même. Il y a un bonhomme qui me disait, ton broccio est tellement tendre, on peut le boire à la paille. J'ai l'impression que le broccio, ça représente vraiment le pays. Oui. Quand les Corses reviennent, ils parlent de broccio. Hein, mais le pays, il peut représenter, il y a que la profession pastorale qui peut représenter le pays. Parce qu'à l'origine, les Corses, c'était quoi? Ils sont d'origine pastorale. Ouais. Les Corses qui n'ont pas d'origine pastorale dans la famille, c'est qu'ils n'étaient pas Corses. On descend tous des bergers. Le vrai Corse, ils descendent tous des bergers. Il n'y avait pas d'intellectuel au départ. Après, il n'y avait pas de pêcheurs non plus trop. Hein. Il y avait des pêcheurs, mais c'est-à-dire que le Corse vivait plutôt de l'intérieur. Parce qu'il se méfiait des... On avait un peu peur de la mer, non? Pas de la mer, mais plutôt de ce qui venait de la mer. Ah, des Grecs, des envahisseurs. Des envahisseurs, voilà. C'est pour ça que Et les vrais, les bergers, où il y a la région où il y a le plus de bergers, si vous voulez, la région qui a inventé le plus de bergers, c'est le Nioulou. Le Nioulou, c'est la haute vallée de la Corse. Et de là viennent tous les bergers. D'ailleurs, nous, nous sommes originaires du Nioulou. Voilà. Est-ce que vraiment ce brooch, ça représente un peu comme le cœur, hein? C'est un peu l'âme corse. Ils en emportent hein, quand ils repartent sur le continent. Oui, de toute façon, ils portaient même la charcuterie. Mais là, maintenant, ils viennent de moins en moins parce qu'il n'y a plus les parents et les grands-parents pour leur donner la charcuterie, alors ils restent sur le continent. Parce qu'avant, ils venaient, ils repartaient toujours la même plaie. Maintenant, c'est fini. Il n'y a plus de vieux. Dans les villages, il y avait beaucoup de vieux avant. Dans les villages, certains nostalgiques évoquent encore le goût du brochu d'autrefois, que les bergers préparaient avec le latte colostrosu, lait contenant du colostrum. Il avait alors, dit-on, une saveur supplémentaire, inégalable. Almanach de la Corse. Max Caisson, ethnologue, auteur d'essais sur le sens des traditions corses, raconte son interprétation du mythe du brochu dans son livre « Le génie de la Sibylle ». C'est en même temps un récit que j'ai recueilli de la bouche d'un berger du sud de la Corse. D'ailleurs, c'est un récit de l'origine du fromage et qui est un récit d'un type assez courant en réalité. Mais ce qu'il y avait de plus singulier dans le récit tel qu'il m'a été transmis dans le sud de la Corse, c'est que les personnages étaient Salomon, d'une part, et d'autre part, sa sœur, la Sibylle, avec un troisième personnage qui est un messager de Salomon. Donc, Salomon, il apparaît ici comme un personnage un peu sot, mais pas curieusement. Mais ce n'est pas un cas unique. Salomon a quelquefois été maltraité par la tradition populaire. Donc Salomon invente le fromage. Mais en fait, le fromage ne tient pas. Alors il envoie son messager chez sa sœur, la Sibylle. Et il lui demande à la Sibylle, va voir la Sibylle. Donc il lui dit, voilà, Salomon a inventé le fromage, mais le fromage ne coagule pas. Alors la Sibylle lui donne le secret, c'est-à-dire la présure. C'est grâce à cette intervention de la Sibylle que nous avons du fromage. Mais lorsque Salomon réussit donc à faire le fromage, mais il lui reste du petit lait. Et il essaie de faire du brochu avec le petit lait. Il n'y parvient pas. Alors même histoire, il envoie de nouveau le messager chez sa sœur la Sibylle, et la Sibylle lui explique comment il faut ajouter une certaine quantité de lait, etc. Elle lui donne la recette du brochu. Donc Salomon réussit son brochu, et il lui reste encore un peu de sérum, pas ce qu'on appelle encore ça atchaba. Et là, il voudrait faire quelque chose avec ça aussi. Il envoie de nouveau le messager chez la Sibylle en lui disant « Fais très attention à tout ce qu'elle te dira. Ne pas, tu me dis comment, qu'est-ce qu'on peut faire avec Atchaba. » Donc le messager va voir la Sibylle et la Sibylle, il pose la question. La Sibylle ne répond rien. Il n'en tire rien. Et on sait simplement qu'avec Atchaba, on pourrait faire de la cire. Mais personne n'a jamais réussi à le faire. La Sibylle a gardé son secret. Comment le goûtez-vous, le brochu? Campanile, pâtisserie traditionnelle de Pâques, pâte à pain, œufs, sucre, brochu. Migliacci, petite galette fourrée au brochu frais. Fiadone, gâteau au brochu de corte. Micro-ondes. La légende du brochu de Francette Orsini aux éditions Oufilou di A Memoria, de Max Caisson Mosémite et le génie de la Sibylle aux éditions Albiana, l'almanach de la mémoire et des coutumes de Corse de Claire Thiévent et Lucie Desideri chez Albin Michel, de Virgile les Géorgiques aux éditions Les Belles Lettres, et un grand merci à Jean-Félix Acquaviva de l'Office du tourisme de Corte pour ses conseils et son aide. Bouche à oreille par René Elkaïm Bollinger. Aujourd'hui, chèvre, brebis, brochu, berger, bergère. Avec Ida et Cosima Panciolelli, Jules Perinetti et Max Caisson. Texte lu par Frédéric Cantrel. Coordination Christine Gage. Prise de son Pierre Caumont. Mixage Jean-Richard Dufour. Réalisation Pascal Rayet. L'émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 9 janvier 2005. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».